sud de Meloki. Moi j'aime trop les femmes pour les voir souffrir. Et j'aimerais également remercier Luigi. Le drone de Laurent Mazzard. Bonjour et bienvenue dans le second numéro de Porte Bidon, émission de sport qui se déroule tous les troisièmes mardis du mois sur Radio Nos Cultures. On peut écouter cette émission sur radio-nos-cultures.wordpress.com et Spotify. N'hésitez pas à partager le lien sur les réseaux. Le concept est simple, un acteur du sport local qui vient nous parler de sport. Aujourd'hui, nous allons parler de cyclisme et pour cela, je suis en compagnie d'un jeune cycliste bâillonné plein d'avenir, Chabi Sasco. Bonjour Chabi, comment ça va ? Bonjour, ça va ? Ça va très bien, merci. Bon, alors Chabi, tu as 18 ans, tu es de Bayonne et tu es cycliste dans la team Iparralde. Tu as commencé le rugby et le tennis, puis tu as commencé le triathlon à l'âge de 13 ans et tu es passé au vélo à l'âge de 16 ans, c'est exact, hein ? C'est ça, exactement. Donc tu as commencé, comme je disais, par le rugby et le tennis. Quel souvenir tu gardes de tes débuts dans le sport, donc par ces deux sports ? J'en garde de très bons souvenirs. Depuis petit, je regarde beaucoup le rugby à la télé. Ça a vraiment été ma première passion. Et tout naturellement, donc, j'ai commencé ce sport très jeune, de mon plus jeune âge. Et j'ai arrêté par la suite, mais je continue toujours d'en regarder à la télé. Et c'est toujours un plaisir de suivre ce sport. Ouais. Et en tennis, pareil. Ok. Et donc, du coup, tu jouais au rugby à Bayonne À l'Aviron, oui, ouais. C'est ça. Et ouais, tu crois que ça te sert encore parce que maintenant, tu fais un sport qui est plus, qui est pas collectif. On en reparlera peut-être après, mais tu penses que le rugby te sert dans le sport actuellement que tu fais ? Et évidemment, le fait déjà de pratiquer, d'avoir pratiqué plusieurs sports, c'est toujours un atout. Ça permet toujours d'enrichir mon expérience, évidemment. Et c'est sûr que d'avoir pratiqué un sport collectif après, derrière, dans le vélo, ça m'aide aussi pour tout simplement communiquer avec les autres, par exemple. Ok. Et donc tu me disais en off aussi que tu pratiquais le vélo déjà avec tes parents quand tu étais tout jeune. Est-ce que ça a de suite été une passion pour toi le vélo ou est-ce que vraiment le rugby c'était ton sport et le vélo tu y pensais pas du tout ? Alors le rugby c'était mon sport. Ouais. Le vélo c'était avant tout un vrai loisir et un moyen de déplacement surtout. Un moyen de déplacement, c'est-à-dire que quand j'étais en vacances avec mes parents, qu'on visitait une ville ou comme ça, on se déplaçait toujours en vélo. Okay. Mon père, qui est ancien cycliste, lui, de suite, j'ai tout simplement baigné dans le milieu. Oui. Mais on regardait évidemment le Tour de France à chaque été. Et c'est vrai que j'adorais m'amuser à l'attaquer déjà. Mais ouais. c'était vraiment oui, un loisir avant tout, sans... Ça, j'avais même pas l'idée de prendre une licence de cyclisme à l'âge de 5-6 ans, mais même pas venu à l'esprit, non. Ouais, ouais, mais quand même, t'avais quand même le vélo toujours un peu présent dans ta vie depuis tout petit. Ah oui, j'adorais ça. Ok. Donc du coup, après, tu commences donc ton premier sport d'endurance à l'âge de 13 ans, donc par le triathlon. Et c'est assez marrant parce que quand tu m'as dit, quand je t'ai demandé un peu ton parcours sportif, tu m'as dit que tu t'étais mis au triathlon parce que tu adorais nager et courir. Et pour un cycliste actuellement, c'est quand même assez drôle que tu aies commencé le triathlon par ces deux sports-là. C'est sûr, mais depuis tout petit, j'ai toujours aussi aimé la mer et la montagne. Donc mon père m'a aussi initié à nager et à courir. Ouais. Et donc quand j'ai décidé de m'inscrire à un sport d'endurance, j'ai pensé à plusieurs. Ça m'est venu à l'idée de faire de la natation pure, de la course à pied, mais aimant aussi le vélo, donc j'ai décidé oui de faire du triathlon. Ouais. Et puis surtout le triathlon, c'est un sport complet où on peut. Je pense quand on est enfant, ça nous permet de voir. Plusieurs sports, c'est très ludique. Avec une licence, donc c'est pas mal. Donc du coup, tu nageais, tu courais, tu faisais beaucoup de vélo déjà quand tu étais enfant, quand tu faisais du triathlon. Je pense que déjà les entraînements, ça devait prendre déjà une belle place dans ta vie, le sport. Oui, j'en pratiquais régulièrement et en fait, au fur et à mesure, après, j'ai passé la phase de découvrir ce sport et de suite, ensuite, j'ai eu... j'ai pris goût à m'entraîner, tout ouais. simplement. Et donc là, je m'entraînais de plus en plus régulièrement. Je nageais plus, je courais plus, ouais. je roulais plus. Et ensuite, j'ai commencé donc à prendre vraiment goût à la compétition. Ouais, ouais. Et donc du coup, compétition, on y vient. Et assez vite, tu remportes des courses, je crois, à l'échelle régionale. Est-ce que ça, déjà, ça, derrière, tu te dis que le sport est fait pour toi, que tu as envie de plus t'entraîner, de plus gagner? Est-ce que l'esprit de compétition t'aide à t'entraîner et à aller un peu plus loin? Comment tu as vécu donc, ces victoires? Parce que je pense que quand on est un peu... Quand on gagne pas forcément... quand on gagne, ça nous donne envie d'en faire plus, je pense. C'est ça. Moi, je suis cette philosophie-là, c'est-à-dire que quand j'ai vu que j'avais des aptitudes, que j'arrivais, que le travail portait ses fruits, j'ai envie de dire, que m'entraîner me permettait de devenir meilleur, que j'ai commencé peu à peu à progresser, à m'améliorer et au final remporter mes premières courses, de suite je me suis dit « Ah, j'ai envie d'en gagner encore plus ouais. ». Donc le lendemain, je repartais à l'entraînement, évidemment, et ça, oui, ça m'a toujours motivé, évidemment. Ouais. Parce que moi, déjà, dis-toi que sans gagner de course, j'ai envie d'en faire un peu plus à chaque fois. Donc, je me dis que si je gagnais, ça serait encore pire. Eh bien, écoute, je te propose déjà qu'on fasse une petite pause. Une petite pause musicale. C'est une musique que moi, j'ai choisie sur le vélo. Je vous propose d'écouter Louise Mbobé de Ludwig von 88. Vas-y, Louison! Louison Bobet, le ventre me l'enfré, file comme un boulet. Louison Bobet, le poisson noir paraît, la flamme du dernier kilomètre. Louison Bobet, comme un éclair devant les mouettes. Louison Bobet, le peuple s'arrêter de pédaler. Vas-y, Louison! Louison Bobet! Louison Bobet! Louison Bobet! Oh vas-y Louison! Louison Bobet, Louison Bobet, Louison Bobet, Louison Bobet, Louison Bobet, Louison Bobet, Louison Bobet, Louison Bobet, Louison Bobet, Louison Bobet, Louison Bobet, Louison Bobet. Putain Raymond, regarde là-bas! Je le reconnais, mais c'est Louison Bobet! Vas-y Louison! Louison Bobet, Louison Bobet! La bicyclette roule sur les pavés. Louison Bobet, le jeu habillé, roule, ça va arriver. Louison Bobet, dans les verres, de par les moules et clés. Louison Bobet, ne peut plus s'arrêter, s'arrêter d'aller. Vas-y Louison! Sous dans le ciel, c'est illuminé. Louison Bobet, reste hypnotisé. Mais là comme un fou, mais n'avance plus tout. Louison Bobet, encore verraillé. Louison Bobet, comme un éclair, de par les moules et clés. Vas-y Louison! Louison Bobet, Ludwig von 88. Est-ce que tu connaissais cette chanson, Chavi? Je n'avais jamais entendu. Ah non? Et par contre, est-ce que tu sais qui est Louison Bobet? Oui, je sais, oui. Est-ce que tu suis un peu les anciens coureurs? Voilà, parce que pour expliquer, Louison Bobet est un ancien coureur breton, je crois, qui a gagné 2 Tours de France. Tu me dis si je me trompe, c'est bien ça. C'est ça. Et est-ce que toi, tu connais l'histoire du vélo? Est-ce que tu te renseignes sur les histoires passées, tout ce qui s'est passé avant ta naissance et même les vieilles histoires? T'en connais un peu? Oui, j'en entends parler ouais. À travers les livres et surtout grâce à mon grand-père. D'accord. Qui, lui, suit le Tour de France depuis tout petit aussi. Et quand j'allais lui rendre visite, quand j'allais passer quelques jours chez lui, à chaque fois, le sujet de discussion venait sur la table et il me racontait donc évidemment les anecdotes des coureurs cyclistes, une anecdote du Tour de France, ouais. Des années de sa jeunesse tout simplement. Ouais. On a un peu le même. Moi aussi, mon grand-père me raconte toutes les histoires des anciens coureurs. Ouais, c'est et puis c'est une belle. Je trouve que le vélo, il y a une belle histoire derrière souvent. Ça c'est sûr. Notamment, alors comment il s'appelait celui qui avait réparé sa fourche dans la descente du Tourmalet. Eugène Christophe, il calait quand même, Chabu. c'est des sacrées histoires. Quand je pense à cette époque et que je vois les vélos qu'ils avaient et que je monte le Tourmalet, je me dis. Je sais pas comment ils arrivaient à monter ces cols avec ces braquets, avec ces trucs-là. C'est pour ça que moi, l'histoire du vélo me passionne. Des vrais guerriers. C'est vrai. On va revenir un petit peu à ton parcours. Ensuite, donc, tu passes au vélo. Tu m'as dit que tu étais passé au vélo où tu t'es inscrit à quelques courses pour suivre les copains et que tu t'es retrouvé quand même à gagner 3 courses de niveau national. C'est ça ? C'est ça, oui. Comment ça s'est passé exactement ? Eh ben, c'était une époque où vraiment je faisais du triathlon toujours à l'aviron, mais au niveau national. J'avais participé à plusieurs championnats de France. C'était une année assez charnière. D'accord. T'as quel âge à cette époque-là ? À cette époque, j'avais 16 ans. Ok. 16 ans. Donc c'était il y a 2-3 ans. Oui, ouais, c'est ça. Et ça faisait déjà 2 ans que j'évoluais quand même, que je m'entraînais très régulièrement, etc. Mais on avait vraiment un super groupe à l'aviron bayonnais. Avec j'ai des très bons copains avec qui on avait l'habitude de s'entraîner, on avait un véritable esprit d'équipe. Ouais. Simplement, on se motivait, on se soutenait, etc. Et j'ai un copain qui s'appelle Pierre de Failly. D'accord. Qui lui était des trois, il préférait vraiment le vélo. Ouais. À fond. Et il a eu l'idée un jour de s'inscrire à des courses de vélo. Et on a été deux trois à le suivre, tout simplement. En faisant du triathlon en parallèle, mais on a décidé de le suivre. On s'est inscrit à quelques courses de vélo. On en a fait une petite dizaine dans l'année. D'accord. En parallèle de la saison de triathlon, donc. Et je me suis retrouvé à en gagner 3. Ouais, donc grosse surprise, mais t'étais plutôt content de gagner ça. Et donc c'est ça qui t'a poussé à te mettre qu'au vélo. C'est parti de là, ouais. Ça c'est sûr. Ça a été quand même un choix difficile d'arrêter le triathlon, ouais. Mais le vélo m'a permis aussi cette année-là de découvrir de nouvelles personnes, ouais. De nouveaux amis. J'ai un pote du coup qui a décidé d'arrêter le triathlon, okay. Pour se consacrer plutôt au vélo, ouais. Au final j'ai décidé de le suivre, ouais. Mais tout de même j'ai pas perdu à côté de ça mes amis du triathlon avec qui je m'entraînais tout le temps, en fait, ouais. Mais d'ailleurs l'année dernière j'étais bénévole donc au triathlon des Corsaires. Et t'avais fait, je crois, un relais, je crois que c'est toi qui fais le meilleur temps d'ailleurs de vélo, je crois que t'avais fait avec tes potes du triathlon, c'est ça ? Avec une copine de mon lycée. Je croyais que t'étais avec... Et oui, avec un copain du triathlon, okay. Aussi. Ouais. Et donc du coup, quand tu commences le vélo, tu vas à l'aviron bayonnais cyclisme ? Pas du tout. Si, je prends la licence à l'aviron bayonnais, oui. Ok. Parce que quand j'ai fait des recherches, j'ai vu que t'avais été licencié à Tarnos. Oui. Alors... Et donc, du coup, t'as fait Bayonne et après Tarnos. Et après Tarnos, oui. D'accord. Tarnos à partir de cette année. D'accord. Et pourquoi, du coup, Tarnos Pour changer d'entraîneur, en fait. D'accord. Et pour passer dans le département des Landes. Ok. Parce que ouais. Ça avait un avantage ou comme ça ou... Ça avait un avantage. J'avais surtout un super entraîneur. D'accord. À ouais, Tarnos. C'est surtout pour l'entraîneur. C'est... Exactement. Ok. Maintenant, tu disais que t'étais licencié à Tarnos, mais... T'es quand même dans la team Iparralde. Qu'est-ce que c'est cette équipe ? C'est un complément de ta licence de Tarnos. Tu nous expliques un petit peu comment ça Alors, fonctionne ? Alors oui, la team Iparralde, en fait, c'est une sélection, ouais. Des meilleurs jeunes du Pays Basque et Nord. Des Landes. Ouais. Ah, ok. Et donc, voilà, ce n'est pas un club, c'est une sélection. Ok. Donc, je suis licencié à Tarnos, oui. Et tous les week-ends, donc, je cours pour la team Iparralde. Okay. La team Iparralde qui sélectionne à chaque fois des coureurs pour aller faire des courses de niveau national et international chaque week-end. Ok, et donc du coup, tu cours jamais sous les couleurs de Tarnos ? J'ai couru quelques fois quand même, okay. Cette saison, sur des courses en France, okay. Beaucoup, et des courses du coin. Okay. Mais j'ai plus couru avec Iparralde, oui. Et du coup, la team Iparralde, ça représente quoi ? Ça représente combien de coureurs ? Ça représente qui c'est qui dirige ça ? Qui c'est qui... Comment... Tu sais un petit peu nous expliquer ça ? Oui, alors le président, c'est François Duard. D'accord. On a le directeur sportif, Vincent Vierge, aussi. Et c'est lui qui a monté l'équipe il y a 2-3 ans, 3 ans, il me semble. Et c'est donc une équipe que pour les juniors. Okay. Les juniors première année, deuxième année. Donc entre 17 et 18 ans. Voilà, c'est ça. Et on compte cette année un effectif d'une quinzaine de coureurs. Ok. Et parce qu'après, du coup, dans cette sélection, ils prennent les meilleurs des clubs Pays Basque Nord et Landes. Et donc, ils ont donc, une quinzaine de coureurs, comme tu disais. Et sur les courses, vous êtes combien à peu près dans l'équipe quand vous... Ça dépend du niveau de la course. Ouais. Certaines courses, ils disent qu'il faut sélectionner maximum 6 coureurs. Notamment sur les UCI. Sinon, non, on est entre 8 environ. D'accord. Par course, chaque week-end. Ok. Et donc, du coup, tu as gagné quand même quelques courses cette année avec la Team Iparralde. C'est des courses de quel niveau, ça, à peu près c'est des courses... Il y a des coureurs du monde entier, il y a des coureurs juste du Pays Basque, il y a des Espagnols. Ça représente quoi, ces courses-là? Alors, c'est... On peut appeler ça des courses internationales parce qu'il y a des coureurs sud-américains. D'accord. Il y a des Argentins qui viennent beaucoup. Okay. Vénézuéliens aussi, j'ai couru avec eux. Ça, c'est sur les courses que j'ai gagnées. Ouais. Mais la majorité, ce sont des coureurs espagnols parce qu'on était en période scolaire et oui, oui. Un week-end, voilà, tout le monde ne peut pas se retrouver. Sinon, non, j'ai eu aussi la chance, oui, de faire des courses vraiment internationales. Ouais. Avec là des Britanniques, des Belges, des Néerlandais. Et... Ouais, j'ai vu que je crois que tu avais fait la course à Plouay, le Tour de Bretagne, je crois qu'ils appellent ça comme ouais, ça. Le Grand Prix de Plouay. Ouais, le Grand Prix de Plouay. Fait la Bretagne classique chez les pros. Chez les élites, oui. Ouais, chez les élites, ils appellent ça comme ça. Et là, je crois qu'il y avait un peu tout. Ça venait un peu du monde entier, là, non Du monde entier, plutôt européen. Ouais. Mais c'était ouvert au monde entier, oui. Oui, oui, ok. Et comment tu as vécu tes premières victoires, donc, toi, avec la Team Iparralde, parce que c'est quand même des courses assez conséquentes. Et qu'est-ce que ça fait de s'entraîner, donc de gagner derrière des courses comme ça parce qu'au vélo, on perd plus souvent qu'on gagne, et tu en as quand même gagné 2, je crois, cette année, c'est ça? Ouais. Comment tu vis ça, toi? À chaque fois, c'est un super moment à passer. Ouais. C'est très court, très rapide, ouais. Parce que sur une course, c'est très stressant. Ça roule vite, il faut éviter les chutes. Il y a un peu de pression aussi derrière. Donc, en général, l'euphorie dure très très peu de temps. Ouais. Et c'est vraiment un moment qu'il faut savourer. Ouais. Ça arrive, en général, c'est ma première victoire cette année était un peu inattendue. J'avais la pression du retour du contre derrière. Ouais. J'ai pris beaucoup de risques dans la dernière descente. Au final, il me restait 2 km pour finir. Ça l'a fait, mais ouais. On savoure après. J'ai envie de dire. On doit avoir mal aux jambes quand même aussi, quand on sent que ça revient derrière. On ah, doit c'est ça, c'est ça. Il ne faut pas craquer dans la tête non plus. Ouais. Tu m'étonnes. Il y a une grosse part de mental. Chabi, je te propose de faire un petit jeu, si tu le veux bien. Oui. Donc c'est un petit jeu, le tu préfères, que vous avez pu entendre dans la première émission. Donc je te donne 2 ou 3 choix, et tu me dis ce que tu préfères entre les 2 ou les 3. Alors, Chabi, tu préfères Ereala ou Athletic? Ereala. Biarritz ou Bayonne? Bayonne. Van Aert ou Van Der Poel? Van Der Poel. OM ou PSG? PSG. Les Grands Tours ou les Classiques? Grands Tours. Yeah. Dupont ou Wilkinson? Dupont. Tu préfères Pogacar, Vingard ou Evenepoel? Pogacar, à choisir. Okay. Tu préfères Nadal, Federer ou Djoko? Nadal, un exemple. Tu préfères Usain Bolt ou Michael Phelps? Michael Phelps. Ok. Tu préfères être champion du monde ou gagner le Tour de France? Joker. Ah non, il faut répondre. Gagner le Tour. Ah. Et enfin, pour un cycliste, tu préfères les Pyrénées ou les Alpes? Les Pyrénées. Bon. Eh bien, merci Chabi. Ah, tu m'as étonné sur certaines réponses. Alors là, OM PSG, je sais même pas si je continue l'interview. Ouais, franchement, ouais. PSG, alors là. Oh. Je regarde pas trop le foot. Bon, après. Ça va alors. Et ouais, donc t'as hésité entre champion du monde et le Tour de France. Ça me. Ouais, pour son histoire, je vais dire le Tour quand même. Ouais, mais ouais, je pensais que le Tour allait être allait être. Je pensais que t'allais pas hésiter et que t'allais dire le tour assez naturellement. Ah, porter le maillot arc-en-ciel, c'est quelque chose aussi, quand même. Ouais, c'est vrai. Bon, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet maintenant sur le vélo. Tu peux nous dire un peu c'est quoi tes entraînements actuellement ? Alors, je m'entraîne tous les jours. Ouais. Donc, ça dépend. Le kilométrage varie en fonction de la période de l'année. Ouais. Mais en général, le kilométrage le plus important, c'est l'hiver. Ouais. Où pendant les vacances, je peux faire des semaines à plus de 600 km. Ça m'est arrivé cette année. Bon, ça fait que des sorties de 100 km par jour, c'est pas grand chose. C'est ça. Et non, après, pendant la période des courses, ouais. En général, je fais une sortie de 3-4 heures le mercredi, une récupération le lundi, une activation le vendredi ou samedi, ça dépend, même si ouais. J'ai deux courses le week-end. Et peut-être un rappel d'intensité le mercredi, jeudi, mais en ouais. Général, on est autour quand même des 400 km. Mais c'est les courses qui mettent le kilométrage. En gros, tu fais pas grand chose le mardi, sinon tous les autres jours, t'es à peu près sur le vélo. Je roule un peu le mardi aussi. Mais ah oui, oui. Mais bon. Et donc, du coup, quand une saison cycliste, ça commence à quelle période et ça finit à quelle période ? Ça commence fin février, début mars. Ouais. Chaque cycliste commence sa saison quand il le veut, à ouais. peu près, quand il souhaite. Mais en général, les premières courses sont fin février. Okay. Et ça se termine, la dernière course, c'est ce week-end. Okay. C'est ouais, début octobre. Ouais. Ok. Et du coup, l'hiver, tu fais rien du tout ou est-ce que tu fais de l'endurance fondamentale, des gros volumes d'entraînement? Parce que nous, donc moi qui suis au club de triathlon, on a des cyclistes qui viennent et qui font en fait qui font un petit peu de la sortie avec nous et qui après font 50 km de plus et ils font ça tout au petit plateau. Est-ce que toi, tu fais des trucs comme ça? Après la saison vélo, oui, c'est super important de faire une pause, ouais. une coupure, parce que c'est quand même très fatigant. Et ensuite, faut reprendre petit à petit, avec uniquement de la basse intensité, ouais. discuter avec les copains, ouais. boire un café, ouais. la réboulangerie. Ouais. Et ensuite, donc, quand on commence le gros du travail, oui, ça va être une grosse part de foncier, donc beaucoup de kilomètres, pour habituer son corps à la distance, tout simplement. Ouais. Et pas des intensités courtes. Quand on travaille des intensités, en général, c'est beaucoup de premier seuil, du seuil et des intensités plus longues en col. Ouais, c'est-à-dire, en gros, tu roules tranquille, quoi. C'est ça. Et les intensités, en général, on peut faire, par exemple, des 20 minutes dans un col ou, ouais. ou des 2 fois 30 minutes okay. allure contre la montre. Ouais. Quelque chose comme ça, oui. Et comment tu gères ce niveau de ton entraînement? Parce que tu nous parles d'intensité, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais est-ce que tu fais ça par rapport à ta fréquence cardiaque, par rapport à la puissance que tu développes ou par rapport à quoi tu te bases? Par rapport à tes sensations simplement ou... Au début, quand j'ai commencé, évidemment, c'était à la sensation, ouais. beaucoup, ou en faisant la course avec les copains. Ouais. Mais non, maintenant... je m'entraîne au capteur de puissance. D'accord. Et à la fréquence cardiaque. Okay. Faut savoir allier les deux pour s'entraîner dans la bonne zone d'entraînement. Okay. Parce que c'est très important pour ne pas générer de la fatigue inutile et pour travailler ses points faibles et ses points forts aussi. Ouais. Et est-ce que tu continues à courir et à nager? Pendant la coupure, oui. Ouais. Là, ça m'est arrivé de nager, de courir ouais. pour le plaisir avant tout. Pour s'entretenir un peu. Ouais. Mais c'est important, oui, de pratiquer un autre sport que le vélo. Oui. J'aime pas trop le VTT, moi. Ouais. Donc je préfère aller courir et nager. Ouais. Et oui, pendant la coupure principalement. Parce ouais. que sinon, pendant la saison, non, jamais. Non, il n'y a pas de... Parce qu'on sait que le triathlon, à la base, c'est un entraînement qu'avait développé un Américain, je crois, pour la course à pied. Il avait vu que faire l'entraînement croisé entre le vélo, la natation et la course à pied était bénéfique pour la course à pied. Pour le vélo, est-ce que c'est pas pareil? Tu ne peux pas nager la veille d'une course ou essayer de faire plusieurs choses pour améliorer tes performances, changer un petit peu le corps, changer les traumatismes du corps en fait, en changeant de sport. Alors la course à pied, c'est un bon complément, ouais. on peut allier les deux, la natation un peu moins, même ouais. si ça permet de détendre les muscles, mais sinon ça casse quand même un peu les jambes. La course à pied, c'est un bon complément, mais ça remplace jamais une vraie sortie vélo. Et l'inconvénient, c'est qu'en course à pied, il y a beaucoup de chocs, plus de risques de se blesser, et ça casse les fibres beaucoup. Ouais. Alors qu'en vélo, il faut avoir plutôt... C'est un sport porté, donc pas de chocs, etc. Ok. Et est-ce que on te demande de faire attention à ton alimentation à ce niveau-là de compétition et à ton âge? Alors, je suis conseillé en alimentation. Après, naturellement, j'essaye moi-même de faire attention aussi. C'est important parce que l'alimentation, c'est très important quand on cherche à faire de la performance. Donc oui, je fais attention, j'ai quand même une alimentation assez équilibrée, naturellement, mais je suis pas au point de peser la nourriture comme certains, où voilà, beaucoup, il y en a qui sont... vraiment sacrifient tout là-dedans. Ouais, moi non, j'ai une part de plaisir quand même. Oui, oui. Bon, après, quand on fait du vélo, je pense que tu peux manger à peu près autant de calories que tu veux, je pense, quand t'es, parce que je pense que tu dois brûler à peu près 4000 calories par jour quand tu fais des sorties, donc en niveau quantité, je pense que tu dois faire ce que tu veux. Ah oui, niveau quantité, je me lâche. Même en me lâchant, j'ai du mal à prendre du poids. Ah ouais, mais j'ai vu une vidéo, alors je sais pas si t'as vu un reportage sur YouTube de Remco Evenepoel, où il montre toutes les calories qu'il ingère dans la journée. Rien que son petit déj, la table, elle est mais remplie de chez remplie. Je sais même pas comment il arrive pour tout manger. Alors je sais pas si toi t'arrives à manger autant, mais en tout cas je dis chapeau parce que moi après je peux pas rouler après ce qu'il mange. Et visiblement que lui, pour le coup, il se lâche vraiment beaucoup parce que dans les coureurs tout le monde dit que lui il mange énormément. Ensuite, j'ai une petite question. Est-ce que tu sais maintenant là jusqu'à quel niveau tu peux aller en cyclisme? Non, personne ne le sait de toute façon. C'est très aléatoire. Ouais. C'est un sport, c'est-à-dire que on peut exploser, on peut atteindre une limite physique à tout moment. Il y a aussi les chutes qui rentrent en jeu. Une grave chute, c'est toujours mauvais pour la santé physique et mentale aussi. Donc non, c'est aussi le problème, c'est un sport très aléatoire, mais j'ai voulu de jour en jour, et on verra où ça va me mener. Ouais, ouais. Mais, et les entraîneurs, ils te disent quoi là? Ils te disent quoi? Ils te disent, écoute, on pense que tu peux aller jusqu'à un certain niveau, t'as les capacités, ou comment ils gèrent ça? Ou ils disent, écoute, prends les courses après course, et puis essaie de t'entraîner au mieux, et puis tu verras bien. Non, quand ils annoncent les objectifs... S'ils annoncent vraiment les objectifs à l'échelle de la saison, j'ai envie de dire, en fonction des différents types de courses. Mais non, c'est très difficile en fait de se projeter sur l'avenir, sur l'avenir lointain. C'est chaque saison, c'est saison par saison, quoi. C'est ça, saison par saison, ils définissent des objectifs. On aimerait bien que tu performes sur telle course internationale, telle course. Ok. Et voilà, mais sans jamais vraiment aller voir deux saisons suivantes, qu'est-ce que je vais pouvoir devenir. Et justement, comment ça se passe ces objectifs? Ils vous donnent des objectifs d'équipe, ils vous donnent des objectifs individuels. Et est-ce qu'ils vous donnent des rôles dans l'équipe? Alors oui, ils nous donnent des rôles. C'est beaucoup moins structuré que dans des équipes professionnelles, forcément, vu qu'on n'est que junior et qu'on... Parfois, on a pas l'oreillette, etc. Ouais. Même si parfois, on peut l'avoir. D'accord. Mais non, c'est... On a des rôles, mais les rôles se répartissent. Tout le monde a sa chance. Ça, c'est une philosophie aussi de la team Iparralde. Tout le monde a sa chance à certaines courses dans l'année. Ouais. Forcément, parfois, le terrain est plus propice à certains coureurs de l'équipe qu'à d'autres. Ouais. Donc, par exemple, certains qui sont moins à l'aise en montagne... Ben, ils vont plutôt essayer de prendre l'échappée, par exemple, pour aller le plus loin possible dans la course. Certains vont devoir tout simplement s'accrocher au peloton le plus longtemps possible et replacer certains qui pourraient performer, qui pourraient aller loin dans la course, tout simplement. Et voilà. Mais après, les rôles se répartissent et, comme je dis, tout le monde a sa chance. Ouais. Et toi, du coup, t'es à quel rôle dans cette équipe, et quel profil t'as? T'es plutôt bon en montagne, plutôt bon sur le plat? Qu'est-ce qu'ils te demandent de faire? Alors, là où je me suis le plus exprimé, c'est en montagne. Donc, je me définirais plutôt comme grimpeur. D'accord. Après, j'adore rouler sur le plat. Ouais. Ça, j'adore passer des relais avec certains en échappée, etc. En sprint, je... pas terrible. Pas terrible en sprint. Bon, après, il faut dire que t'es léger quand même, non? Oui. Niveau... Tu pèses combien si... Mon poids de forme, il est à 57 kilos. Ouais, ça fait léger, ouais. Non, les rôles, sinon, moi, j'ai eu à peu près tous les rôles dans l'équipe. Parfois, je me suis mis au service de quelqu'un qui avait envie de faire une très bonne course, ouais, pour l'aider. Et j'ai déjà eu aussi, évidemment, le rôle de leader. D'accord. Certains ont dû rouler pour moi, et okay, parce qu'au final, je devais faire la meilleure place possible. Et justement, quand tu gagnes tes courses, t'es leader ou tu ne l'es pas ces jours-là? La première course que j'ai gagnée, on était deux leaders. D'accord. Attitrés. Et on a attaqué chacun notre tour. Et au final, quand j'ai attaqué, c'était la bonne. Lui et... Je le remercie d'ailleurs, il fait le travail forcément derrière pour casser les relais, pour semer un peu la pagaille. Et voilà, ça a marché ce jour-là. Okay. Et d'autres fois, j'ai fait le rôle que lui il a fait, c'est-à-dire que j'ai semé un peu la pagaille dans le groupe quand lui était devant. Okay. Et moi j'ai une petite question, on en parle souvent donc, dans le vélo professionnel, on dit souvent que les coureurs français, notamment parce que je regarde pas mal sur la télé française, ils disent qu'ils travaillent pas assez les contre-la-montre. Est-ce que vous par exemple, vous travaillez spécifiquement certaines courses, le contre-la-montre, le contre-la-montre par équipe, comment on peut travailler d'autres aspects de la course, la descente, est-ce que vous travaillez des choses spécifiques comme ça? Et ça, c'est vrai que nous, on travaille tout, ouais, mais le contre-la-montre, non, c'est un vrai problème. Ouais. On fait des entraînements où on se passe des relais, évidemment, sur le plat, mais on n'a pas à disposition des vélos de contre-la-montre, ouais, très aérodynamiques, et évidemment, aussi, le meilleur moyen de progresser en chrono, c'est d'en faire. Oui. Et non, c'est vrai qu'au calendrier français, il y a très très peu de chronos. Oui. Moi, cette année, j'en ai fait deux. Et ces deux chronos, c'était même pas tout plat. J'ai pris le vélo traditionnel parce que ça finissait en montée. Des montées très raides ou alors c'était très court, etc. Et du coup, t'as pas du tout de vélo chrono, toi? Non. Non. Et qu'est-ce que t'as comme vélo? J'ai un Canyon Ultimate. D'accord. À disque. Ouais. Et le matos, ça t'intéresse et tout ça, tout le truc du vélo? Est-ce que t'es à fond en sachant exactement chaque vélo, un peu qu'est-ce qui se fait de nouveau, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas? Oui, évidemment. Ouais. Tout cycliste s'intéresse un peu à la l'évolution de la mécanique, ouais, que le vélo soit le plus aérodynamique possible, tout se joue au moindre détail. On aime tout ça, oui. Et moi, évidemment, oui, je regarde beaucoup les vélos des autres, les vélos des équipes, pour le plaisir des yeux. Ouais. Et dans la team Iparallé, du coup, ton vélo, c'est ton vélo à toi ou c'est la team qui te fournit un vélo? Ils te fournissent l'assistance après sur les courses? Comment ça se passe? Oui, c'est mon vélo à moi. Okay. Mais c'est la seule chose qui m'appartient vraiment. Sinon... les trajets, c'est à leur charge. Okay. Le ravitaillement aussi, ouais, les tenues, ouais, que de tenue d'été à tenue d'hiver, le kawaii, tout ça est fourni. Et l'assistance, oui, dans les courses, ils ont la voiture et tout. Okay. Donc, ouais, moi, j'ai juste le vélo à moi. Ouais. Et j'aurais dû le mettre dans le jeu. T'es plutôt SRAM ou plutôt Shimano. Ou t'es Shimano? Non, Shimano, moi. Ah ouais, Shimano? Shimano. Et j'ai pas eu la chance de tester de SRAM. Ah non? Pour l'instant, non. Et du coup, on va rentrer un petit peu dans le détail, tout le monde comprendra pas. T'es en 12 vitesses ou t'es en 11 vitesses? C'est quoi tes développements? J'ai 52-36. Ouais. Et un plateau de 52 pour le plat. Et j'ai une cassette de 11 vitesses à l'arrière. Ah oui. Ok. Je pourrais mettre plus gros, mais je considère ça comme inutile en junior. Ok. Mais c'est vrai que parfois, on a été désavantagé sur certaines courses, comme au Grand Prix de Plouay, par exemple, où certains juniors, des Néerlandais notamment, avaient des plateaux de 54, des plateaux de professionnels. Ouais. Donc dans les faux plats descendants, ça fuse. Faut s'accrocher, mais c'est inutile en junior. Et donc du coup, maintenant, dans le vélo, c'est vrai que on voit avant, c'était quand même beaucoup plus simple. C'était dans les montées, ça s'attaquait. Et c'est vrai que dans les descentes, c'était le moment quand je regardais la télé, l'époque des années 2000 et tout ça, dans les descentes, c'était le moment où on pouvait aller se faire un sandwich et on revenait au pied de l'autre col. Maintenant, c'est vrai que ça attaque tout le temps dans les descentes. Est-ce que du coup, on met l'accent sur cet aspect de la course aussi dans les descentes ou... où on reste sur la montée, où c'est là où on peut faire la différence? Alors oui, la montée, c'est là où on fait les différences les plus importantes. Ouais. Là encore, c'est là où on s'explique davantage. Mais la descente, c'est vrai que dans le vélo moderne, si je puis dire, c'est devenu de plus en plus important. Ouais. Maintenant, on voit de plus en plus d'attaques. Ça, c'est un domaine qu'on peut travailler à l'entraînement, mais c'est quand même assez particulier. Pas tout le monde aime prendre des risques. Ouais. Pas tout le monde est à l'aise aussi dans les virages, etc. Donc, on peut y travailler, mais certains ont de l'appréhension. Moi, le premier, d'ailleurs. Ah ouais, t'es plutôt... plutôt plus prudent dans les descentes. Je suis plutôt prudent, oui. Ouais. Après, c'est pas pour ça que je me fais lâcher pour autant en descente, par exemple. Mais c'est vrai que je vais pas être quelqu'un qui va prendre des risques pour sortir tout le monde de la roue en descente, par exemple. Et... du coup, comment ça se passe quand tu descends peut-être tu penses ou tu penses pas du tout? C'est parce que moi, quand je descends, je sais que je pense beaucoup trop. Et on me dit, il faut que tu penses à rien. Mais toi, t'arrives à faire le vide et à... C'est important de faire le vide, oui. Il faut débrancher le cerveau. Ouais. Mais il faut garder quand même une part de lucidité. Ouais. Parce qu'on descend quand même à des vitesses... après, parfois 80 km/h, même je suis descendu à plus de 90 des fois, sans protection. Donc l'erreur peut être fatale, malheureusement. Ouais. Donc il faut savoir, c'est l'entre-deux. Il faut débrancher le cerveau quand tu es en course. Mais sinon, à l'entraînement, par contre, zéro risque. C'est important de rester le plus prudent possible. Mais justement, tu as gagné une course aussi, on n'a pas parlé de la cyclosportive de la bicicletta. Ou que j'ai fait aussi, il pleuvait bien comme il faut, la route était détrempée. Moi, je suis tombé deux fois, et apparemment, toi, dans les descentes, ça allait quand même. Ça allait, mais fallait faire attention. Non, mais c'est glissant. Il y a deux, trois fois où ma roue arrière a dérapé. Ah ouais, mais t'as un descente de Pinodieta. Ah ben moi, je suis allé tout droit dans le talus. Ah ouais. J'ai la roue arrière qui est partie une fois, deux fois, et après je me suis dit, ben, soit je tombe dans le virage, soit j'essaie de passer sans freiner, et bon, j'ai été tout droit dans le talus. Alors, faut faire attention quand même. Ouais. Je t'ai demandé de choisir une musique, Chabi, et je te propose de l'écouter. C'est Iron Maiden, et le titre, c'est Je l'ai plus et je l'ai pas noté. Tu peux nous le rappeler? Allowed by the name. Allowed by the name. Avec l'accent et tout. Ouais, bien joué. C'est parti. We'll be right back. Hallowed be thy name, the Iron Maiden. Donc Chabi, tu as choisi cette musique, tu peux nous dire pourquoi? Parce que je suis un grand fan de ce groupe, Iron Maiden. Ah ouais? Avant tout. Ah oui, un fan du groupe. Ouais. Et c'est une musique, moi j'aime particulièrement le rock, le hard rock. Avec mon père, on en écoute beaucoup. Ok. Et donc c'est une musique qui me motive, que j'aime tout simplement. Ok. Et du coup, la musique, ouais, t'aimes ça. Du coup, tu écoutes pas mal de musique et tout ça. J'écoute pas mal de musique, oui. J'ai joué de la guitare quand j'étais un peu plus jeune aussi. Guitare électrique, guitare sèche. Maintenant, j'ai de moins en moins le temps. Ouais. Mais j'en ai joué, oui. Tu peux pas faire un peu de home trainer en jouant de la guitare, non? C'est compliqué. C'est très compliqué. Mais j'essaierai. Ouais. Pendant qu'on écoutait la musique, on a Matine qui nous fait la technique à côté, qui nous disait que il avait pas très bien compris ce qu'étaient les termes d'activation, de récupération, rappel d'allure. Tu peux nous expliquer un petit peu tous les modes que tu as dans une semaine d'entraînement? Alors oui, le lundi on aura donc la récupération. Ouais. C'est tout simplement, on peut l'appeler autrement, un décrassage. Ouais. C'est le lendemain de course pour enlever toutes les toxines qu'on a dans les jambes, etc. On va rouloter, voilà, okay. Au coucher de soleil un soir. Ouais. Tu fais quoi? Une balade. Une vingtaine, trentaine de kilomètres. À une heure et demie, je fais 40, 45 kilomètres, ouais, environ, tranquillou, avec okay. La musique un peu. Ok. Et voilà, histoire d'enlever les toxines et de profiter. C'est aussi bon qu'un massage ou comme ça. Et ensuite, oui, le mercredi, le rappel d'allure, c'est histoire de, comme son nom l'indique, de rappeler des allures, mais sans trop se fatiguer non plus. Mmh. C'est-à-dire que là, on va pas générer de la fatigue, on va appuyer sur les pédales, faire des intensités, mais sans fatiguer le corps, parce qu'on aura la course le week-end, tout simplement. Et l'activation, pareil, une heure et demie, plutôt tranquille, et je fais quelques sprints histoire de réveiller le corps. Okay. Ce réveil est important, voilà, la veille de la course, pour ouais. mettre dans le bain. Ouais. Bon, j'espère que Matine sera contente de ses explications. Moi j'ai une petite question, c'est comment on s'entraîne, donc tu as 18 ans, comment on arrive à allier donc l'entraînement cycliste et les études, parce que tu fais des études, tu es à l'ISABTP, donc du coup tu es en prépa, ce que tu me disais un petit peu, tu peux ouais. nous dire ce que tu fais et comment tu arrives à gérer les deux? Alors je suis à l'ISABTP depuis cette année, donc depuis septembre, ouais. Là comme je suis en coupure actuellement, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup de concilier études et sport. Je le faisais surtout l'année dernière. Ouais. C'est pas du tout repos, c'est pas facile. C'est vraiment une organisation à voir. Mais l'année dernière, j'avais la chance d'habiter proche de mon lycée. Donc ça facilitait cette organisation. Je me déplaçais en vélo déjà. Ouais. Et donc oui, je pouvais rentrer, aller rouler, faire les devoirs. C'était dur à concilier quand même. Pas de tout repos, mais j'ai réussi et ça se fait. Ok. Et cette année encore, ça te fait un peu peur ou tu dis que ça va aller? Ça me fait un peu peur, oui, ouais. Parce qu'à l'ISA, on a beaucoup de travail quand même. Faut suivre, mais j'ai la chance d'avoir le statut de sportif de haut niveau. Et grâce à ça, donc, je pourrais avoir des horaires aménagés cette année. Ok. Et quand tu dis que tu te déplaces en vélo, que tu allais au lycée en vélo, ça tu le comptes pas dans tes entraînements, je suppose? Non, je comptais pas, non. Ouais, mais moi je le mets sur Strava. Donc là, c'est la fin de saison pour toi. Tu disais donc là, tu fais une coupure totale, tu fais plus rien là. Là, actuellement, non, je fais plus rien. J'ai fait vraiment 2-3 semaines sans sport, tout simplement. Là maintenant, ça me plaît d'aller faire des footings, d'aller nager. Ouais. Mais non, le vélo, je le laisse de côté. Okay. Il est dans le garage, là, il prend la poussière pour l'instant. Mais je le ressortirai fin octobre. Okay. Et donc, du coup, ouais, t'en profites pour pratiquer d'autres sports. Et est-ce qu'il y a des sports que t'as pas eu l'occasion d'essayer, ou que tu, notamment avec les JO que t'as vus, ou des trucs comme ça que t'aimerais essayer? Il y a des trucs. Tout me donne envie d'essayer, ouais. J'ai envie de dire. Ouais. Sinon, non, j'adore les regarder. Les JO, j'ai suivi du début à la fin, beaucoup. Y a beaucoup de choses, le tir à l'arc, même l'escrime, le ping-pong, tout ça, ça me donne envie d'y jouer. Mais j'étais là avant tout pour supporter derrière ma télé. Ouais. Et on voit donc dans le cyclisme professionnel, on voit les coureurs qui font pas mal de courses l'hiver, qui sortent de leur sport. Je pense notamment à David Gaudu, je crois, qui a fait la Saint-Élion l'hiver dernier et qui a fini deuxième. À Warren Barguil, qui avait fait un triathlon à La Réunion, qui avait fini deuxième aussi. Toi, ça te donne envie de faire des courses qui sortent du cyclisme en hiver ou... J'ai fait il y a 2 ans une saison en cross. Ouais. Qu'en course à pied, dans la boue. Okay. Voilà. Je suis allé jusqu'au championnat de France, comme ça. Ah ouais. Je m'amuse beaucoup. Ouais. Vraiment, courir et nager, c'est les deux sports que je préfère à côté du vélo. Ouais. Mais oui, les courses, j'ai fait des 5 km, des 10 km pour m'amuser, un peu de la même manière que David Gaudu et Barguil. Ouais. Mais oui, ça me plaît. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le trail, t'as pas du tout essayé? Parce qu'on voit de plus en plus le... En fait, c'est plutôt le trail, il s'entraîne avec du vélo beaucoup. Et est-ce que les cyclistes peuvent s'entraîner avec du trail? Oui, ils peuvent s'entraîner, évidemment, parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi la durée de l'effort. C'est sûr que le trail, c'est beaucoup plus long que faire un 5 km, par exemple. Donc, pour la durée, pour s'entraîner aussi à l'alimentation, l'hydratation, la gestion de l'effort, on peut appeler ça comme ça, c'est un très bon complément. Après, comme je dis, une sortie course à pied ne remplace pas un véritable entraînement vélo. Ouais. Mais ça complète bien, oui. C'est toujours important de varier les sports pour pas s'écœurer aussi. Ouais. Et le ski et tout ça, tu pratiques ou... Les cyclistes, l'hiver, font beaucoup de ski de fond. Ouais. Moi, j'ai pas la chance d'en faire. Ouais. J'ai jamais essayé. Quand j'étais petit, j'allais au ski à Luchon, Super Bagnère. Voilà, j'en faisais, j'ai pris des cours aussi. Okay. Mais vraiment pour le plaisir. Et non, cette année, ça fait très longtemps que j'en ai pas refait. Surtout maintenant, avec le réchauffement climatique, tu peux faire du vélo toute l'année dans les Pyrénées quasiment. Pour l'anecdote, en janvier, c'était... Non, pendant les vacances de Noël. Fin décembre, ma mère est allée faire du ski à Barège. Ouais. Je l'ai accompagnée et j'ai fait quelques sorties... quelques sorties vélo, voilà. Ah ouais. Et je montais en haut des cols. Même s'il y avait de la neige sur les bords des routes, je montais au sommet. La route n'était même pas fermée, sauf au Tourmalet. Ah ouais. Mais sinon, au Takam, Luzardiden, même Camp Basque, je montais tout en haut. Hein. Il y avait moins de neige. Alors que moi, au mois d'août, au Takam, j'ai eu 4 degrés en haut, je crois. 4 degrés, la pluie horrible. Et toi, t'as pu monter en plein hiver. Donc, plein hiver. Il faisait beau en plus. Mais t'as de la chance. Une petite question que j'avais déjà posée lors de ma première interview avec Iban. Nous, on est, Radio No Culture est une radio qui émet en occitan et en basque aussi. Donc toi, tu parles basque, t'es passé par l'Ikastola. Et comment t'as vécu la langue basque dans tous les sports que t'as pu pratiquer? Est-ce que t'as été confronté à la langue basque? Et maintenant, dans le cyclisme aussi, est-ce que t'y es confronté? Oui, évidemment, depuis tout petit, j'ai appris le basque à l'Ikastola, donc en maternelle. Ouais. Aujourd'hui, ça me permet d'être bilingue. Ouais. Et c'est un super avantage, notamment dans le vélo. Quand je vais courir de l'autre côté, dans le Pays basque espagnol, là-bas, tout le monde parle basque. Ouais. Même certains parlent basque et même pas espagnol. D'accord. Et dans le peloton, oui, ça m'arrive de toujours parler en basque avec les coureurs, ça a permis de me faire des amis de l'autre côté aussi. Ouais. Et ouais, parce que c'est vrai que quand on pense Pays Basque, moi quand je pense Pays Basque, je pense cyclisme, je pense que c'est pour moi le sport national du Pays Basque. Je crois que je n'ai pas vu une course de vélo cette année sans Zicurina, mais ça peut être le Tour de Slovénie, il y aura toujours un Zicurina. Est-ce que toi tu sens quand tu vas faire les courses à Negoalde, est-ce que tu sens cette ferveur vraiment particulière, plus qu'ici peut-être d'ailleurs? Beaucoup, beaucoup. C'est là-bas, au Pays Basque, c'est vraiment une fête. Les gens se mettent sur les bords des routes, ils encouragent toute catégorie, que ce soit des cadets aux espoirs. Moi, j'ai déjà fait des courses ces années où, à l'arrivée, à l'occasion des fêtes, beaucoup, beaucoup de gens sur le bord des routes avec des drapeaux, de la musique, super ambiance. Et des fois, on compare ça à des grandes courses du calendrier pro. Quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et c'est vrai que quand j'ai amené les enfants qui étaient pour la première fois qu'ils allaient au Tour de France, on a monté un col dans les Pyrénées et donc la petite qui me dit mais on est au Pays Basque ici, et je dis mais non, elle me dit mais pourquoi tout le monde parle basque, je fais ça c'est le vélo ça. Et dans Iparralde Team, du coup vous parlez en basque ou vous parlez en français, vous parlez un peu les deux, comment ça se passe? Alors non, ce qui est dommage c'est que je suis le seul à parler basque dans l'équipe. Les autres, non, ils connaissent des mots, mais on peut pas communiquer en basque, nous, dans notre équipe, malheureusement. Ok. Et c'est vrai que, par contre, pour tes courses, ça a pu te servir. Je pense que les interviews, peut-être, que tu peux faire là-bas, tu dois les faire en basque, donc ça doit te servir. C'est ça. À la fin de chaque course, les interviews, ils m'interviewent en basque. Ils savent que je suis le seul coureur aussi qui parle basque, donc j'étais un peu, entre guillemets, le porte-parole. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'il y avait des questions, etc., C'est à moi qui demandais. Donc pas le droit d'abandonner la course, sinon il n'y a personne qui peut parler à la fin. Bon, je suis toujours arrivé, même quand j'abandonnais. Donc, Bon, ça va. Faut encourager les copains. Ouais. Eh bien, en tout cas, Chabi, merci beaucoup d'être venu. Bah, merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans le cyclisme l'année prochaine ou dans les années à venir? C'est quoi là ton objectif? Mon objectif, c'est tout simplement de m'améliorer, de prendre de l'expérience, prendre du plaisir aussi avec et évoluer. On ne sait pas jusqu'où, mais je l'espère. Okay. Un jour. Eh bien, merci beaucoup, Chabi. Profite bien de ton repos. Merci beaucoup. Bon courage pour les cours aussi. Merci. Bon courage pour la saison prochaine, en espérant que tu fasses une bonne saison. Et à la prochaine. Je remercie Matine aussi, qui est à côté de moi, qui fait la technique comme d'habitude. N'oubliez pas donc de réécouter cette émission, si vous le souhaitez, sur radionoculture.wordpress.com et sur Spotify. Et salut à tout le monde, salut Chabi, et au mois prochain. Moi j'aime trop les femmes pour les voir souffrir. J'aimerais également remercier Luigi.